travail à cœur, Marilyn Gomez. Bonjour à tous et bienvenue. Tourmente économique, la détresse des chefs d'entreprise, c'est le thème de notre émission. Avec nous, Marc Bignet, président d'APESA, greffier du tribunal de commerce de Saintes, en Charente-Maritime. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Pouvez-vous nous parler du rôle de votre association APESA ? Oui, bah écoutez, alors c'est une association qui a été créée en septembre 2013 et qui a pour but d'apporter des outils à tous les professionnels, juristes essentiellement, que sont les juges, les greffiers, les mandataires, également les experts comptables, qui interviennent aux côtés des entrepreneurs en difficulté lorsque leur entreprise traverse des difficultés, pour apporter des outils pour qu'ils puissent, puisque ce n'est pas leur compétence, passer un relais à des psychologues, parce qu'ils sont confrontés certes à des entreprises en difficulté, mais aussi à des entrepreneurs en difficulté. Est-ce que voilà. Vous... Et depuis que cette crise du coronavirus est arrivée, à la demande du ministère de l'Économie, et en partenariat avec le réseau des chambres de commerce, des chambres des métiers, avec le soutien d'Harmonie Mutuelle, nous avons créé un numéro vert pour permettre aux chefs d'entreprise, spontanément, de même d'appeler un numéro vert qui est le 0805 65 50 50. Quelles sont les principales difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui, les chefs d'entreprise et les entrepreneurs qui vous contactent ? En fait, dans cette période de crise, ce à quoi ils sont confrontés, c'est quand même l'impensable. C'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4 mois, les choses allaient très très bien ou pas trop mal. Il n'y avait jamais eu aussi peu de procédures collectives, de défaillances d'entreprises en France. On est tombé à un niveau historiquement bas qui était d'environ 50 000 défaillances d'entreprises. Et cette crise brutale est arrivée. Et donc, personne n'y était préparé, y compris les chefs d'entreprise. Bon, alors, en fait, cette souffrance qui est un peu collective des chefs d'entreprise, que tout le monde pressent, qui, à mon avis, n'est pas encore vraiment arrivée, il y a quand même, malgré tout, assez longtemps qu'elle existe. Et on sait que toutes les crises économiques apportent, on le sait depuis au moins la crise de 1929, toutes les crises économiques apportent une augmentation du nombre de suicides. Et comme... Avec APESA, nous étions prêts à faire face à cette difficulté, à prendre en charge la souffrance aiguë des chefs d'entreprise. Et c'était assez naturellement que le gouvernement et le ministère de l'Économie s'est tourné vers APESA pour qu'on puisse mettre à disposition les outils qu'on avait élaborés préalablement. Il est parfois difficile pour certains chefs d'entreprise et entrepreneurs de parler de leur souffrance psychologique. Quels sont les points de vigilance ? Ce qui est important, et qui est parfois assez difficile à comprendre, c'est que, en général, l'entrepreneur fait corps avec son entreprise. D'ailleurs, il le dit souvent lui-même, il dit « mon entreprise, c'est mon bébé ». Et quand il envisage donc de perdre son entreprise, c'est extrêmement brutal, violent. Et donc, le point de vigilance pour le chef d'entreprise, c'est justement de ne pas s'identifier de manière excessive à son entreprise. Et l'un des problèmes principaux que rencontrent les chefs d'entreprise, c'est que l'entreprise prend une telle place dans leur identité que la seule idée de perdre cette identité est totalement insupportable pour certains, parce que finalement, c'est être ensuite confronté un peu au néant. J'ai eu au téléphone un marchand de chaussures pendant la période du confinement. En fait, il m'expliquait qu'en dehors de son métier, il n'existait plus. Et alors, je vais quand même rappeler qu'un être humain, c'était bien autre chose que d'exercer une activité, fût-elle à la tête d'une entreprise. C'est extrêmement noble, extrêmement glorieux. Et on ne peut pas résumer une vie humaine à l'exercice d'une activité économique. Oui, je pense qu'effectivement, la problématique de la fusion, je dirais, émotionnelle, dans l'aventure entrepreneuriale, fait que quand le choc arrive, quand le traumatisme est là, c'est difficile de s'en sortir. Et donc concrètement, une fois qu'on a dit ça à la personne qui est en difficulté, qu'est-ce que propose APESA ? Alors en fait, ce que propose APESA propose, ça peut paraître dérisoire, parce que finalement on ne propose qu'un soutien psychologique. Alors déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que ce soutien psychologique, finalement, la PESA n'a pas été créé par le monde économique. C'est-à-dire que la particularité du monde économique, qui est pareil de toutes les vertus, bien, bah, c'est pas de faire preuve d'une solidarité excessive, parce que le monde économique, c'est quand même la compétition. Et ceux qu'on interroge d'ailleurs très souvent, c'est-à-dire qu'on demande aux experts comptables ce qu'ils font pour leurs clients chez les entreprises, on demande aux mandataires de justice ce qu'ils font pour les entrepreneurs dont ils ont la charge, les greffiers, les juges, etc. Et je trouve, moi, finalement, qu'on interroge assez peu les organisations professionnelles pour savoir ce qu'elles font pour les entrepreneurs en difficulté. Mmh. Hein, et que ça, on pourrait peut-être commencer par là, c'est-à-dire que qui est quand même le plus proche d'un boulanger en difficulté, d'un pharmacien en difficulté, sinon leurs organisations professionnelles qui les représentent. Et au quotidien, moi, dans mon quotidien de greffier, ce que je constate, c'est effectivement la grande solitude des chefs d'entreprise en difficulté, mais qui sont surtout et souvent abandonnés par leurs organisations professionnelles. Et donc, effectivement, quand on a le sentiment de ne plus appartenir au monde auquel on s'identifie, c'est extrêmement violent, extrêmement brutal. Et ce qui est surprenant d'ailleurs dans ces circonstances, c'est de constater que parfois ceux qui font preuve de solidarité sont des gens auxquels on ne s'attend absolument pas. Il y a aujourd'hui des procureurs de la République qui écrivent des articles indiquant que les acteurs de l'insolvabilité, c'est-à-dire tous les professionnels des difficultés des entreprises, doivent s'intéresser à la souffrance psychologique des entrepreneurs. C'est quand même extraordinaire qu'au sein du monde de la justice, il y ait des personnalités qui exerce ses fonctions, qui s'intéresse à cette souffrance.